histoire particulière. À la Libération, la France est victorieuse mais exsangue. Des ruines, il faut tirer ce qui reste, ce qui peut être reconstruit. Hier, dans le premier épisode du documentaire sur les pianos orphelins, Hélène Bigot et Alexandra Malka nous ont ramenés en 1945. Les meubles et objets divers pillés par les Allemands et abandonnés en France, faute d'avoir pu être expédiés en Allemagne, ont fait l'objet d'une ordonnance le 11 avril 1945. Il faut maintenant tenter de retrouver les propriétaires de tous ces objets. Les pianos sont rassemblés dans les locaux de la Foire de Paris ou de la Porte de Versailles. Il y en avait même au palmarium du jardin d'acclimatation. Et dans les sous-sols du palais de Tokyo, il y en avait 1200. Tout de suite, retournons sur les traces des pianos orphelins dans le second épisode. La pièce dans laquelle nous nous trouvons est le bureau de Wanda Landowska. Les fenêtres s'ouvrent sur le jardin. Contre l'une d'elles, un clavecin. Pris par les Allemands dans la maison de Wanda Landowska à Saint-Leu-la-Forêt et miraculeusement retrouvé près de Munich. Wanda Landowska est assise à son bureau dans un fauteuil à haut dossier. Je vois gravé dans le bois de son clavecin le jeu grave, dit par les anciens de 16 pieds, fut introduit dans les clavecins Pleyel à partir de l'année 1912 sur la demande et les suggestions de Wanda Landowska. C'est, je crois, grâce à ce nom d'ailleurs, imprimé dans le bois, que vous l'avez retrouvé près de Munich. Oui, je l'ai retrouvé. Alors c'est un rescapé très heureux. Auquel vous le tenez. Ah oui, je l'adore. Nous sommes à Paris en 1945. Au palmarium du jardin d'acclimatation, dans les sous-sols du palais de Tokyo, et au stand 63 de la Foire de Paris, plusieurs centaines de rangées de pianos se succèdent. Des musiciens arpentent les allées, à la recherche de leurs instruments perdus. Ils ont survécu à la Shoah. L'un d'entre eux rentre tout juste du camp de Buchenwald et retrouve son fidèle piano Bechstein. Il s'appelle Léon Blum. Sur plus de 8000 pianos volés à Paris durant l'occupation, environ 2000 ont été retrouvés et 1200 restitués. Du reste, on a perdu la trace. Plusieurs instruments de collection, comme ceux de la grande claveciniste Wanda Landowska, restent aujourd'hui encore introuvables. L'enquête devient urgente, car les derniers témoins directs disparaissent. Pascal Bernheim s'est lancé sur la trace des instruments spoliés. Elle est aux prémices d'une véritable enquête. Les pianos orphelins. Aujourd'hui, la mélodie du retour. Par Hélène Bigot et Alexandra Malka. Tout a commencé parce que j'ai lu en 2011... un livre d'Hector Feliciano qui s'appelle « Le musée disparu ». Ce livre était paru en France en 1995. Et dans ce livre, qui est écrit comme un polar, je découvre l'ampleur du pillage des œuvres d'art en France par les nazis. Donc, à la lecture de ce bouquin, je suis absolument enthousiasmée par ce que je lis et me vient alors l'envie de faire quelque chose pour contribuer à retrouver les œuvres spoliées. Et je cherche un peu sur Internet et je vois qu'il y a une galeriste parisienne qui s'appelle Elisabeth Royer qui fait de la recherche de provenance sa spécialité. Je la contacte et elle accepte de me recueillir en stage d'observation. Alors, au cours de ce stage, je découvre qu'Elisabeth Royer possède une bibliothèque incroyable, une documentation exceptionnelle, au sein duquel se trouve un véritable trésor, qui est les photocopies des archives de la récupération artistique. Et donc, dès que j'avais un instant, je descendais au sous-sol, j'allais ouvrir et feuilleter ces boîtes d'archives. C'est là que j'ai pris conscience que pour ce qui concerne les biens culturels, il y avait des tableaux et des sculptures, mais pas seulement, il y avait des meubles et des instruments de musique. Et dans le dossier de l'éditeur Calman Levy, par exemple, que j'ai ouvert par hasard et que j'ai feuilleté, je découvre bien sûr un inventaire avec des centaines ou des milliers de livres, manuscrits, éditions rares, mais aussi... Et j'ignorais qu'il était collectionneur d'instruments traditionnels, donc il y avait des gamelans, des choses comme ça, enfin, et que ces instruments aussi avaient été pillés. quelques pages plus loin, je tombe sur le dossier de Wanda Landowska. Et là, je vois les partitions, les ouvrages précieux, les clavecins, les épinettes, les viols de gambe, tout ça. Et je découvre que dès 1940, les Allemands se sont pointés chez elle et ont tout pris ce qu'il y avait dans sa maison et dans cet auditorium de Saint-Leu-la-Forêt. Et puis, voilà, je feuillette. Je trouve aussi une expertise faite par des luthiers qui concerne 161 violons qu'on a retrouvés et on ne sait pas très bien quoi en faire. Et une expertise plus que sommaire qui est faite. Et à la fin, la conclusion de l'expertise, c'est de dire, oh, écoutez, de toute façon, c'est des trucs qui n'ont pas tellement d'intérêt. Il n'y a qu'à les donner à l'entraide. Voilà, ce sera au profit des familles qui doivent se reconstruire. Donc, je me rends compte que à part ça, et aujourd'hui, je pose la question à Elisabeth, elle me dit non, je connais personne qui s'occupe de ça, et donc, bah, je décide que je vais m'y consacrer. En 97, Alain Juppé, alors Premier ministre, met en place une mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France, à laquelle travaille l'historienne Annette Vivurka. Pour comprendre la façon dont les appartements des Juifs ont été pillés, elle se plonge dans les archives, qui lui apprennent également comment s'est déroulée la restitution des pianos à la Libération. C'est Alfred K., qui habite 22 rue Raphaël dans le 16e, et qui écrit le 8 août 1946 au directeur des services de restitution des biens spoliés, section piano. Monsieur le directeur, ayant appris que vos recherches relatives à mes deux pianos à queue, Steinway 103 034, Uri 60 715, sont restées infructueuses, j'ai l'honneur, en ma qualité de compositeur de musique, de solliciter le prêt d'un piano à queue de qualité autant que possible analogue à celle de mon Steinway, instrument qui m'est indispensable pour me livrer à la composition musicale. Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie tatata. Et il y a un petit additif qui indique qu'il s'engage à payer les honoraires du commissaire-priseur qui estimera la valeur du piano qui lui sera prêté par le service des restitutions. À quel moment est-ce qu'on découvre l'ampleur du vol des pianos, donc ? Je pense qu'on le découvre tout de suite, immédiatement à la Libération, avec des cas de figure un peu différents, parce que vous avez dû voir déjà dans ce rapport, qui est quand même très superficiel sur les pianos, hein, il y a quelques pages seulement, vous voyez quand même que les cas sont très différents suivant que vous avez un piano chez vous par amour de la musique ou par culture, ou suivant que le piano est votre instrument de travail. Il arrive que le piano soit l'instrument de travail pour un compositeur, pour un professeur de musique. Et d'ailleurs, le service des restitutions a cette idée que je trouve très bonne et qui montre qu'il avait un vrai souci du bien des gens, qui est de prêter des pianos à ceux pour qui le piano est indispensable à sa vie professionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe concrètement à la Libération? On retrouve des milliers de pianos donc, dans le sous-sol du palais de Tokyo, voilà, par exemple. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui... Eh bien, les gens viennent et essayent de reconnaître leur piano. À la grande surprise, vous pouvez avoir jusqu'à 8 ou 10 personnes qui reconnaissent le même piano. Et le même piano avec les mêmes éraflures, enfin ils le décrivent, c'est pas, on n'est pas en face de gens qui veulent voler un piano, qui veulent escroquer l'administration, donc ça rend les choses très compliquées. Parce que les pianos parfois ont des numéros, hein, quand ce sont des Pleyel et tout, mais qui va aller conserver le numéro de son piano? Et la facture? C'est la facture, d'autant que les appartements ayant été pillés radicalement, les factures de piano sont probablement passés à la benne. Donc ça a été très compliqué. Donc c'est compliqué de prouver que tel objet vous appartient quand vous n'avez pas de facture. Donc c'est très difficile après à reconstituer. Et en fait, la reconstitution du pillage, elle a pu se faire principalement lors des restitutions qui ont été infimes par rapport à ce qui était pillé, donc lors des restitutions d'après-guerre, ou alors plus tard, lors des indemnisations pour lesquelles les gens ont fait des descriptifs de ce qui avait été pillé. Je veux que la lumière soit faite. sur les conditions dans lesquelles des biens immobiliers ou immobiliers appartenant à des juifs de nationalité française ou résidant en France ont été confisqués aussi bien par l'occupant que par les autorités de Vichy. Aussi suis-je en mesure de vous annoncer aujourd'hui que, en accord avec le président de la République, j'ai l'intention de confier dans les meilleurs délais à un groupe de travail dirigé par une haute personnalité une mission portant sur l'évaluation de l'ampleur des spoliations, le sort qui a été réservé aux biens spoliés, la localisation actuelle de ces biens et leur situation juridique. À la fin des années 90, mondialement, on assiste à des scandales récurrents qui portent principalement sur les avoirs bancaires en Suisse, et sur les œuvres d'art, le pillage des œuvres d'art qui ont disparu, mais pas seulement des œuvres d'art qui ont disparu, les œuvres d'art qui sont aussi dans les réserves des musées, sous le sigle MNR, Musée National Récupération. Donc c'est des scandales qui font tout le temps la une des journaux, et en France, le scandale a pris une forme un peu particulière. En 1995, le 16 juillet 1995, Jacques Chirac prononce aux Veldives un grand discours. C'est la commémoration du 53e anniversaire de la rafle du Veldives. Et dans ce discours, il reconnaît les responsabilités de la France dans la déportation des Juifs et, parlant des Juifs qui sont morts, il dit « Nous avons, je ne me souviens peut-être pas, nous avons, à leur égard, une dette imprescriptible. » Et la veille du discours de Jacques Chirac, Serge Larsfeld publie dans Libération le rapport du commis caissier de la préfecture de police qui s'occupait des comptes des détenus à Drancy. Il s'appelait Kiefer, Maurice Kiefer. Et Clarsfeld dit « Il y a de l'argent des Juifs dans les caisses de l'État, en l'occurrence la Caisse des dépôts et consignations, et les orphelins de la déportation n'ont rien eu. » Et c'est ça qui va déclencher une sorte de réflexion et la mise sur pied par Alain Juppé, c'était Alain Juppé qui était Premier ministre à l'époque, d'une mission d'étude sur la spoliation des biens des Juifs de France, dont la présidence va être confiée à Jean Matteoli, qui était à l'époque, il est décédé aujourd'hui, le président du Conseil économique et social, qui avait été un résistant et qui avait été déporté à Bergen-Belsen. Et c'est l'origine de la mission Matteoli, qui a une lettre de mission, comme toutes les missions, qui doit retrouver les biens qui ont été spoliés, faire un état des lieux et donner des préconisations. À l'issue de la mission Matteoli, on décide de la création d'une commission chargée de l'indemnisation des victimes de la spoliation. La CIVS voit le jour en 1999. Les familles spoliées pendant la guerre peuvent déposer une requête d'indemnisation. À ce jour, 29 457 dossiers ont été enregistrés. Muriel de Bastier y travaille depuis près de 20 ans. Lorsqu'une famille saisit la commission, c'est elle qui enquête au sujet des biens culturels mobiliers. L'indemnisation, aujourd'hui, elle est présentée comme une reconnaissance de ce qui est arrivé à la famille. Et c'est ce que fait l'État à travers cette commission, c'est reconnaître ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et essayer de... Oui, c'est une forme de reconnaissance, tout simplement. Maman a reçu un nouveau piano parce qu'elle a été bien courageuse pendant mon absence. Oh, c'est magnifique. C'est un de ces merveilleux Bechstein. J'étais sidérée quand les déménageurs l'ont apporté, je n'arrivais pas à y croire. Oui, et puis il n'a rien coûté. C'est vrai? Non, il était là, dans un coin de la clinique, il ne servait plus, il était couvert de poussière. Alors le toubib qui est responsable me l'a proposé. Et il te l'a offert? Oui, dans l'intérêt de l'unité du parti. Oh, il a besoin d'être réaccordé. Ah, réaccorder un piano, ce n'est rien, le problème c'est d'en avoir un. Et on ne dirait pas que tu as eu du mal à l'avoir. D'où vient-il? Je te l'ai dit, de la clinique. Il était des Juifs qui habitaient là, mais qui sont partis. Ah, qui sont partis. Nous devrions tous chanter quelque chose et ensuite monter. Prêt? Douce nuit. Je m'excuse, mais il y a quelque chose qui doit gêner les marteaux. Oh, il Il y avait ceci sur les cordes, de vieilles photographies. Qui est-ce? Le docteur Weiss? Et ses enfants, je suppose. Où est-ce qu'ils sont allés? Nous n'en avons aucune idée. Je crois qu'on les a déportés il y a des années. Laura, débarrasse-nous de ça. En fait, l'objectif de notre commission, c'est de faire en sorte que les familles qui n'ont pas pu être indemnisées après la guerre par la France et par l'Allemagne puissent encore aujourd'hui faire une démarche auprès de l'État français pour être indemnisées. Donc, aujourd'hui, nous recevons environ une vingtaine de dossiers par mois. Dans beaucoup de dossiers, nous avons trouvé une demande pour un instrument de musique, souvent un piano, un violon. Il était juste fait mention de ces termes, si vous voulez. On n'avait pas beaucoup de descriptions sur l'instrument lui-même. Nous avons environ mention d'un instrument de musique dans un peu plus, presque 700 dossiers. Dans les témoignages que j'ai pu lire, c'est vraiment un objet, plus que l'objet lui-même, c'est ce qui représentait les réunions de famille, les moments de bonheur, on va dire. Et c'est vrai que à chaque fois que c'est mentionné, c'est plus important encore qu'un compte bancaire. Voilà, c'est symbolique. C'est beaucoup plus symbolique. Ouais. C'est important. Et c'est vrai que ce qui est fort dommageable, c'est qu'on ne peut pas, on les retrouve pas, les instruments de musique. Et pourquoi? La plupart du temps, ces instruments de musique n'étaient pas signés. Un violon ressemblait à un autre violon et un piano ressemblait à un autre piano et ça a été très difficile. Il y a eu beaucoup de restitutions après la guerre d'instruments de musique, essentiellement des pianos. On retrouve, dans, par exemple, le répertoire des biens spoliés. Il est fait mention de, il y a un certain nombre de pages où il est fait mention de tous les instruments réclamés par les familles auprès de la commission de récupération artistique. Ici, j'ai un dossier qui a été ouvert à la commission en 2007. Donc, vous avez donc un questionnaire. Le questionnaire, c'est vraiment l'histoire, l'histoire de la famille qui est racontée. Là, c'est assez douloureux. Ma mère et mon frère ont été arrêtés au cours de la rafle du Veldiv le 17 juillet 1942. Mon père s'était enfui en zone libre et lui aussi a été arrêté et interné au camp de Gurs. Il est revenu avec son père, mais pas sa mère ni son frère. Il raconte à mon retour l'appartement que nous occupions, mon père, ma mère, mon frère et moi-même, à Paris 3e, était occupé. Et les personnes qui occupaient mon appartement m'ont certifié que tout avait été vidé. L'appartement était vide. Meubles, vaisselle, tableaux, literie, et je me souviens, un superbe gramophone, des centaines de disques, un poste de radio, mon violon. Voilà, c'est mon violon. C'est-à-dire qu'il il déclare voilà ce qui est important pour lui, ce qu'on a pris à sa famille. Maman, on emporte le piano avec nous? Plus tard, peut-être, chérie. Nous n'avons pas beaucoup de place. Bien, c'est fini pour nous ici. Bien fini. Je sais. Va dire à mamie et à Pépé que nous partons. Oui, maman. Que fait-on des pianos en déshérence? Florence de Perronet-Dryden, archiviste. Quelquefois, il y a des pianos qui sont orphelins, disons. Les gens ne sont pas rentrés ou n'ont pas pu identifier avec certitude. Et à ce moment-là, on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes qui, entre autres, étaient des professionnels de la musique. Alors, on a institué à ce moment-là un système de prêt de ces pianos. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit le curriculum vitae des personnes. Oui, telle personne est, par exemple, professeur de chant, telle personne était pianiste, avait chez elle tel et tel piano, mais maintenant, elle n'a rien. Donc, il faut pouvoir lui prêter un piano qui se trouve dans ce pool de pianos qui reste en déshérence. Chacun peut consulter librement les archives de la Seconde Guerre mondiale. Il suffit de se rendre aux Archives nationales sur le site de Pierrefitte, au nord de Paris. Le fonds AJ38 contient toutes les archives du Commissariat général aux questions juives, l'organisme français chargé d'appliquer les lois antisémites sous l'occupation. Il contient également les archives du service de restitution des biens spoliés, créé à la Libération. Un dossier entier est consacré au piano. Des milliers de lettres, de listes, de formulaires défilent sous nos yeux et nous racontent comment les propriétaires ont tenté de récupérer leur instrument, parfois même au prix de litiges devant le juge de paix. On a des documents aussi assez intéressants, amusants. C'est par exemple des grands personnages, comme Léon Blum. Alors, Léon Blum qui va demander la restitution de son Bechstein. Donc, c'est un bon piano à queue. Et alors, normalement, pour avoir son piano restitué, il fallait avoir des preuves. Alors, fournir des preuves, par exemple, une attestation, un certificat de l'accordeur. Et puis, il fallait aussi un certificat de la concierge ou du concierge qui disait « Oui, en effet, les Allemands sont venus piller tel appartement et il y avait un piano. » Le reste a disparu, a peut-être disparu aussi dans les bombardements en Allemagne. Ça, il est possible qu'il y ait une partie qui soit partie en Union soviétique. Ça, je parle seulement des pianos. Après, vous avez tous les autres instruments de musique, notamment les violons, le domaine de la lutherie, qui, lui, était encore plus difficile à contrôler, parce qu'un violon, ça se prend sous le bras. Ça se prend sous le bras, même quand on va au camp de concentration. On prend son bébé hein, sous le bras, c'est vraiment ça. À moins que ce soit un Stradivarius, un Amati ou un Mirecourt. Après, ça se détruit facilement, c'est fragile. Et puis, il y en a beaucoup qui doivent dormir quelque part. C'est vrai que moi, quand je reçois, parce que je reçois les familles, j'échange avec ces familles, je les fais parler, j'essaye de faire remonter un peu les souvenirs. C'est pas toujours simple. Je pars du principe que les familles disent la vérité, bien entendu. Après, la mémoire est parfois un peu vacillante. Mais moi, je leur dis, vu les informations que j'ai aujourd'hui, ça me semble très difficile de retrouver votre instrument de musique, votre piano ou votre violon. Donc, il va être indemnisé. Un violon... simple, hein, on ne parle pas d'un violon de valeur, c'est 500 euros. Pour un piano, je dis une moyenne, hein, c'est 2000 euros. C'est pas ce que les personnes veulent, hein, être indemnisées d'un violon ou d'un piano. Ce qu'elles veulent, c'est retrouver leur bien. Mais moi, je les informe que ça va être très très compliqué. Je leur donne pas de faux espoirs, non. Et vous avez réussi à en restituer des instruments de musique? Alors, on a bien aimé. Mais non, on n'a pas réussi à en retrouver. La plupart des objets sont chez des particuliers. Ouais. Et si ces particuliers ne vendent pas leurs instruments de musique, on ne les reverra jamais, ces instruments. Afin de retrouver la trace des instruments de musique, Pascal Bernheim s'est associé avec l'avocate Corinne Herschkowitsch, qui a longtemps œuvré pour la restitution des œuvres d'art. Ensemble, elles ont fondé l'association Musique et Spoliation. Les instruments de musique ont une résonance particulière pour moi à titre personnel parce que mes parents, mais là en l'occurrence particulièrement mon père qui est né en Allemagne, juif allemand, était un musicien amateur mais très éclairé et lui-même collectionnait les instruments de musique. Moi dans mon enfance j'ai vu beaucoup de l'entourage de mes parents, des musiciens juifs qui avaient subi l'exil, qui étaient partis aux quatre coins de la terre et qui se retrouvaient autour de la musique et des instruments. J'ai quelques histoires comme ça qui ont été racontées pendant mon enfance, notamment un très bon ami de mon père qui était le deuxième violon du Quatuor Lassalle et qui avait été déporté très jeune. Toute sa famille avait péri dans les camps et lui s'en était sorti parce que, violoniste prodige, il avait joué dans l'orchestre des nazis à Auschwitz. Donc voilà, c'est une histoire personnelle, c'est complètement logique avec ce parcours d'avocate qui est le mien depuis une vingtaine d'années, de combattre, vraiment parce qu'à l'origine ça a été un combat très dur, de combattre pour la mémoire de ce pillage absolument exceptionnel dans l'histoire du monde, qui a été perpétré par les nazis à l'encontre des juifs. Ce qui est vraiment particulier à cette période, c'est cette volonté affirmée très tôt par les nazis d'appréhender tous les biens culturels qui étaient en possession des juifs. Ça fait partie vraiment de cette politique d'annihilation du peuple juif. Il faut aussi se souvenir que la musique fait partie de la culture juive et que dans beaucoup de familles juives, il est d'usage de faire de la musique et d'avoir un instrument à la maison. Chacun des membres de la famille a un instrument et on joue de la musique ensemble. C'est très fréquent. C'était encore plus fréquent avant la guerre. Donc il y avait des instruments un peu partout. Ils ont été appréhendés par les nazis. Et un peu comme pour les livres, on en a très rapidement perdu la trace. D'une manière générale, les Juifs avaient été complètement dépossédés et écartés de la société française. Et donc quand ils sont revenus d'exil ou de déportation, il y avait beaucoup d'urgence. Et peut-être que les instruments de musique ne faisaient pas partie des priorités. Ma quête dans ce mouvement de recherche des instruments de musique, c'est beaucoup plus une quête mémorielle qu'une volonté de restitution. J'ai bien conscience, encore une fois, que les protagonistes de l'époque ont beaucoup disparu. Et j'ai bien conscience que les instruments de musique sont plus difficilement identifiables que les œuvres d'art. Mais pour un instrument de musique, il y a un lien qui me semble encore plus intime. Un violon fait corps avec le violoniste. Même un piano, quelqu'un qui joue du piano, il a une relation très particulière avec son instrument. D'une manière générale, tous les interprètes ont une relation très intime avec leur instrument. C'est un aspect qui me paraît extrêmement important dans cette quête des instruments de musique, c'est de retrouver les liens intimes qu'il y a eu entre un instrument et un interprète. Sur les 40 000, près de 40 000 appartements spoliés à Paris et en région parisienne, il y avait 8 000 pianos. Et sur ces 8 000 pianos, on en a retrouvé à peu près 4 000. Ça veut dire qu'il y en a encore à la moitié qui se baladent. Trop souvent, les musiciens ignorent l'histoire des instruments qu'ils ont entre les mains. Aussi parce que quand ils l'achètent, on ne leur donne pas d'informations sur la provenance. Pourtant, la provenance de l'instrument est constitutive de son identité. On peut s'imaginer qu'un musicien joue avec un violon dont il ne connaît pas l'histoire et qui a été spolié pendant la guerre. Oui, ou dont il ne connaît pas toute l'histoire. On peut lui dire qu'en 1950, tel violoniste célèbre avait joué son instrument et donc ça confère de la valeur à l'instrument. Mais bizarrement, entre 1930 et 1950, on ne sait pas. On ne connaît pas l'histoire de cet instrument. Pourtant, on sait quand il a été fabriqué. Un Stradivarius, il a un nom en général d'un de ses illustres propriétaires. Mais voilà, bizarrement, sur la période 1930-1950, on ne sait pas trop. Et moi, j'aimerais bien qu'on sache plus. On peut citer une phrase qui a été prononcée lors d'une convention de l'UNESCO en 1970 qui établit qu'un bien culturel ne prend sa valeur réelle que si son origine, son histoire et son environnement sont connus. Donc on peut espérer que si le marché de l'art s'est transformé ces dernières années, il en sera de même pour la musique à l'avenir. Les pianos orphelins. Épisode 2, la mélodie du retour. Avec Pascal Bernheim, Annette Vivorca, Muriel de Bastier, Florence de Perronet-Dryden et Corinne Herschkovitch. Archives INA, Haute-Vassin. Extrait de la série Holocaust de Marvin Chomsky. Coordination, Christine Bernard. Prise de son, Loïc Duros. Mixage, Catherine Dereté. Un documentaire d'Hélène Bigot, réalisé par Alexandra Malka. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Grönlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Nous reviendrons sur l'esprit de mai 68, mais c'est une autre histoire.